Les petites histoires de Tell Me. Salut, moi c'est Arthur. Je suis trop content de vous retrouver. Vous le savez, j'habite un village qui regorge de légendes. Et j'en ai tout un stock à vous raconter. Aujourd'hui, je vais vous parler du boulotteur de bus. Il fut un temps où dans mon village, les hivers étaient très rudes. À cette époque, impossible de compter sur les radiateurs et les chaudières. On ne pouvait compter sur des cheminées ou des poêles à bois. Tout se passait merveilleusement bien, jusqu'au jour où un ogre a élu domicile dans la région. Son PC mignon, c'était de boulotter des bus. Sapin, bouleau, chêne, cerisier, prunier, il les trouvait toutes à son goût. Si bien que chaque hiver, il débarquait dans le village pour toutes les boulotter. Les habitants étaient frigorifiés, terrorisés et fort embêtés. Ils n'avaient pas les moyens de faire appel au service d'un chasseur de monstres, et aucun d'eux ne se sentait de taille pour aller l'affronter, ou pour oser lui demander d'aller gloutonner ailleurs. Heureusement, Anna était là. Avec son papa, ils passaient leur temps à faire des gâteaux pour régaler les petits comme les grands. Leur spécialité, des gâteaux tubulaires nappés de chocolat. Lorsqu'ils cessaient, ils se craquelaient. Anna avait toujours trouvé que ça leur donnait un air de bus. D'un coup, l'évidence la frappa. Si elle travaillait un peu leur gâteau, elle pourrait en faire des bus plus vrais que nature et remplacer toutes les bus en bois par des bus en chocolat. Tous les habitants mirent la main à la pâte. Toutes les cuisines turbinèrent à fond les ballons, si bien que le piège fut tendu juste à temps. Sans surprise, l'ogre succomba aux délices pâtissiers. Il engloutit toutes les bus en chocolat et fut pris d'une violente indigestion. Il avait si mal au ventre qu'il rentra chez lui en jurant qu'on ne le reprendrait plus à manger une seule bus. Personne ne le revit. Mais depuis tout ce temps, chaque hiver, tout le monde dépose une bus en chocolat devant chez lui. Juste au cas où un ogre repasserait par là.